sommes heureux d'accueillir Béatrice Hibou et Pierre Dardot pour cette séance du séminaire Poétique des sciences. Et comme le hasard fait parfois bien les choses, si l'on peut dire, le sujet du jour, bureaucratiser la politique, repolitiser la chose publique, rejoint un certain nombre de préoccupations largement partagées parmi les différentes catégories de personnes constituant ce qu'il est convenu d'appeler la communauté universitaire. Elles prennent la forme d'inquiétudes sur les conséquences, le plus souvent jugées négatives, des réformes et mesures affectant cette même communauté, à commencer par l'autonomie budgétaire accordée aux universités sans les moyens appropriés. Elles ont mené au déclenchement de la grève de ce jour dans l'enseignement supérieur et la recherche. Cette séance, conformément à l'esprit qui a conduit à la création de ce séminaire à l'EHESS, dans le sillage du mouvement universitaire de 2009, peut être vue comme un acte de soutien actif à la grève. Y compris si cette dernière a été annoncée alors que cette séance était déjà bouclée. Si l'on entend par grève un type d'activité qui vise à publiciser un problème resté à l'état latent, ou bien qui, quoique largement documenté, fait l'objet d'un déni quant à sa réalité ou son ampleur par ceux qui ont la responsabilité politique de le prendre en charge, alors le thème de notre séance de ce soir s'inscrit pleinement dans sa démarche, dans laquelle nous enrôlons nos invités, j'imagine sans qu'ils le vivent comme une violence qui leur est faite. Un soutien à la grève contre les politiques dites austéritaires, en effet, car grâce à nos deux invités, nous allons remonter de l'action d'aujourd'hui à la mise au jour de quelques processus, rationalités, normes, formes de gouvernementalité qui confrontent le déroulement des activités professionnelles et autres de la vie sociale au style d'organisation bureaucratique qui les encadre, les contraint, les évalue et parfois conduit à une action collective qui, telle la grève, en questionne le bien fondé. C'est ainsi que la forme de rationalité bureaucratique apparaît comme un trait identifiant de nos sociétés sous l'empire du néolibéralisme. Il leur tient lieu de grammaire et de cadre structurant par son semblant d'hégémonisme qui pèse sur la conduite de nos existences et la possibilité même de les articuler dans un récit qui fasse spontanément sens pour tous les membres de la société, tant les manières de voir, de faire et de dire que cette perspective inspire sont associées à l'expérience d'un monde partagé et connu en commun, mais sous l'égide de ses préférences. C'est un peu résumé à très grands traits ce qui ressort de ma lecture des travaux de Béatrice Hibou, sociologue et spécialiste des questions de gouvernementalité et des rapports de domination au sein des sociétés contemporaines. Nous l'avons invitée ce soir pour qu'elle nous entretienne plus particulièrement de son travail développé dans l'ouvrage intitulé « La bureaucratisation du monde à l'ère néolibérale » paru à La Découverte en 2013. Et portant notamment sur le ménage heureux que forme, contre toute attente, si l'on en croit les nombreux discours qui proclament le contraire, bureaucratie et capitalisme à l'ère contemporaine. Ne reste-t-il alors qu'à s'incliner devant cette toute-puissance à laquelle, bon gré mal gré, chacun de nous apporte sa contribution, quand bien même le coût exorbitant qui en résulte pour la planète et la communauté humaine n'est plus à documenter ? Peut-on oser espérer malgré tout qu'un autre monde demeure envisageable, qui ménagerait une place différente au jugement, à la créativité et aux compétences de chacun dans l'organisation de l'ensemble social, au plus près des attentes, des besoins et de la participation de chacun aux affaires publiques, du local au global. En d'autres termes, la tendance hégémonique du capitalisme prétend transformer la société entière en un système propre à répondre à ses exigences de fonctionnement. Mais cela ne génère-t-il pas quelques contradictions internes et effets indésirables qui pourraient projeter une ombre à l'abri de laquelle d'autres projets de société alternatifs pourraient trouver un terreau fertile à leur développement? Pierre Dardot, philosophe, a publié plusieurs travaux en collaboration avec Christian Laval, sociologue, sur l'école, le néolibéralisme et aujourd'hui sur le commun, le droit d'usage opposé au droit de propriété. C'est à l'examen du concept de commun qu'est consacré leur dernier ouvrage, dont le sous-titre en indique clairement les enjeux, commun, essai sur la révolution du 21e siècle, également paru à La Découverte en 2014. Et effectivement, dans la mesure où, a priori, partout où l'organisation des activités sociales se fonde sur le droit de propriété, le caractère absolu de celui-ci peut être défié par le droit d'usage. C'est alors bien d'une révolution potentielle qu'il s'agit, au sens d'un changement radical des principes qui forment l'axe autour duquel tourne notre monde, si l'on admet que les révolutions passent nécessairement par une nouvelle façon de nommer les choses et de s'y rapporter. Par exemple, en les plaçant sous le principe de la coopération, de la codécision plutôt que de la concurrence généralisée. La voie d'une possible émancipation par rapport à l'ordre de la bureaucratisation néolibérale et peut-être alors tapis au cœur même du vocabulaire et de l'agir commun, que ces créations sémantiques et ces nouveaux usages libèrent, notamment sous la forme d'un autogouvernement du commun. Comme l'organisation de cette rapide présentation a pu le laisser transparaître, nous donnerons tout d'abord la parole à Béatrice Hibou pour une durée d'une heure. Nous prendrons quelques questions à la suite de son exposé avant de donner la parole à Pierre Dardot pour une même période de temps et d'engager le débat sur son exposé et sur les deux présentations. Béatrice, à vous.